Ton réveil sonne. Tu ne bouges absolument pas. Tu restes dans ton lit. Tu refermes les yeux. Comment, 6 heures? Est-ce que ça va le faire? Oui, ça va le faire. On se réveille en ce jeudi 3 décembre avec Un autre jour est possible, votre réveil culturel et au programme. La COP21, mais tous ces combats pour une écologie plus saine, plus stable, ne concernent pas seulement les hommes politiques ou les gros industriels. Les écrivains s'impliquent et les acteurs du théâtre, de la culture en général, eux aussi ont leur mot à dire. Et justement, dans un instant, on retrouve Elisabeth Combre qui a sorti un livre concernant le rapport entre les écrivains et la nature, quand la nature inspire les écrivains. Aujourd'hui, 4e épisode, une littérature militante écologique. Et puis en deuxième partie, je recevrai Irina Brooks qui ouvre son théâtre de Nice à des prises de parole autour de la COP21, mais aussi des spectacles où la nature, les défis qui nous attendent sont mis en scène pour que s'engagent, pour que se déclenchent les débats salutaires. Merci d'être sur France Culture. Un autre jour est possible, c'est parti. This bitter earth well, what the fruit it bears. And if my life like the dust, ooh, that hides the glow of a rose. Climat littéraire, 4e épisode de la série en compagnie de l'écrivaine et journaliste Elisabeth Combre. Aujourd'hui donc 4e épisode, une lutte écologique à travers l'écriture. À partir de quel moment, Elisabeth Combre, bonjour d'abord. Bonjour. À partir de quel moment cette lutte devient une priorité pour les écrivains, ou du moins elle est visible dans leurs écrits? On peut placer ça aux sources de la littérature américaine. La littérature américaine s'est constituée autour de la nature. Les Américains, les premiers pionniers, quand ils arrivent sur le continent américain, ils découvrent une nature démesurée. Ils vont d'abord la combattre pour s'installer. Elle est associée au mal. On a une partie des émigrants qui sont des fondamentalistes chrétiens. Fanatiques, donc qui mettent dans le même sac, j'ai envie de dire, la nature, les Indiens, tout ça est synonyme du diable, du mal, donc il faut combattre. Les générations d'après vont petit à petit voir la nature autrement, et leurs descendants, ceux qui ont signé la déclaration d'indépendance, vont voir la nature comme un signe de l'identité américaine. C'est là que se situe la grandeur de l'Amérique par rapport à la vieille Europe, qui est dans des espaces beaucoup plus petits, beaucoup plus récents. La géologie des monuments rocheux de l'Ouest américain sont bien plus anciens que la culture européenne. Donc on a comme ça une recherche de l'identité américaine à travers la nature. Et ça va traverser toute la littérature américaine. Et très vite se poser en pas tout de suite lutte écologique, mais en tout cas en sentiment qu'il faut préserver ces espaces sauvages. Le premier à avoir parlé de la nécessité de préserver la nature, c'est Henri David Thoreau. On est dans la première partie du 19e siècle, à Concorde, en Nouvelle-Angleterre, sur la côte Est. Tout au long de l'histoire de la littérature américaine, et en particulier de la nature dans la littérature américaine, on observe un mouvement vers l'Ouest. Mais on commence à l'Est. On est le long de la côte Est. Thoreau est proche des transcendantalistes qui prônent la nature comme une recherche de la vérité sur le monde et sur soi. Thoreau va s'isoler au bord de l'étang de Walden, pendant 2 ans et vivre au rythme de la nature et petit à petit élaborer son discours sur la fragilité de la nature. C'est pas du tout dans l'air du temps. Aujourd'hui, on a l'impression que tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faut préserver la nature. À cette époque, c'était pas du tout le cas. Donc c'est un des premiers qui va devenir précurseur et figure. Aujourd'hui encore, on fait référence à Thoreau pour la littérature écologiste américaine. C'est un pionnier qui va être suivi par d'autres auteurs, Elisabeth Combre ? Oui, Henri David Thoreau va être suivi par de nombreux auteurs. Il a posé les jalons de l'écologie dans la littérature. Je pense qu'on peut le dire comme ça. De ce qu'on appelle aujourd'hui le nature writing, donc la nature, l'écriture de la nature, qui est entre essai et fiction, on est entre de la narration et de la contemplation. C'est un genre particulier. On n'est pas tout à fait dans le roman et on n'est pas uniquement dans l'essai. Le chercheur Alain Subercicco parle de plusieurs étapes dans l'histoire de l'écologie américaine et de la littérature de l'écologie. La première étape, c'est Thoreau et les intellectuels du temps du transcendantalisme et de Ralph Waldo Emerson. La deuxième étape, c'est John Steinbeck et Aldo Leopold dans le courant du XXe siècle. Là, on rentre dans l'étape où la lutte écologique devient visible. On n'a pas encore des activistes, mais en tout cas un discours écologique qui est beaucoup plus visible. Steinbeck, qui voit l'écologie lui comme une science sociale. Donc, il a raconté. Alors, voilà. Entre 1932 et 1941, dans l'Oklahoma, la température monte de façon démesurée et on assiste à une véritable catastrophe écologique. Il se crée le Dust Bowl, donc cette zone de poussière qui est créée à cause de cette montée de la température. Le climat est particulièrement chaud durant ces années. La terre est brûlée, elle se fait poussière et elle n'est plus cultivable. Et cette catastrophe écologique d'ampleur va entraîner le déplacement de nombreux paysans, les premiers réfugiés climatiques du siècle, on peut les appeler comme ça, je pense. Même si à l'époque, on parlait pas de catastrophe écologique, non, pas encore. Non, pas encore. C'en est une. Oui, mais c'en est une. Voilà, c'en est une. Alors qui est à la fois due je dirais pas un réchauffement du climat, mais en tout cas à des années chaudes et à une mauvaise gestion de l'agriculture dans ces grandes plaines qui ont coupé l'irrigation naturelle et les terres étaient pas assez irriguées. Donc Steinbeck va raconter l'épopée de ces migrants en quête d'une vie meilleure. On est sur une observation presque scientifique. Ouais, mais c'est pas un anthropologue, c'est un écrivain. Il prend position aussi. C'est un écrivain engagé. Il va, c'est un journaliste aussi, Steinbeck. Il va dans les camps, enquêter, recueillir des témoignages et dire un peu la difficulté de vie de ces migrants climatiques. Et s'il fallait parler aussi d'un autre écrivain américain pour qui la nature faisait partie de l'identité américaine, comme vous l'avez d'ailleurs rappelé en début de cet épisode, Elisabeth Combre, si on parlait de Mark Twain. Oui, on va faire un petit retour en arrière. Mark Twain est aussi un des pères de la littérature américaine d'autres manières. Mais alors, avant de décrire ces ouvrages qui ont fait de lui malheureusement un auteur jeunesse un petit peu, qu'il n'est pas seulement. Ça, on peut découvrir Sawyer. Maintenant qu'on peut lire son journal, édité, on sait que c'est un peu plus qu'un auteur jeunesse, Mark Twain. Voilà, c'est d'autres choses. En 1872, Mark Twain publie À la dure, qui est le récit de ses aventures au Nevada et en Californie. Il est parti sur la piste des chercheurs d'or. Enfin, il a suivi les chercheurs d'or. Il nous le raconte alors avec un humour qui inspirera beaucoup d'autres Américains, mais c'est un autre sujet. Et il raconte aussi cet ancrage de l'histoire de l'Amérique dans la géologie. Il décrit ces grandes roches verticales. Il raconte dans Tom Sawyer aussi une goutte qui tombe à la fin du roman. Cette goutte tombait déjà avant les cathédrales européennes, avant la naissance du Christ. On est donc dans cette opposition. L'Amérique a une histoire géologique immémoriale, extrêmement ancienne. Et il va, c'est une époque où les, où le, il y a de grandes missions d'exploration de l'Ouest, prospection géologique, et aussi où se développe toute une imagerie des photos, des peintures sur l'Ouest américain. Et Mark Twain appelle aussi les Américains à regarder leur pays et à se construire à partir de ça. Mark Twain va donner un nouvel élan à la littérature américaine en tournant résolument le dos à la côte Est et à la littérature européenne et en regardant vers l'Ouest. Alors, dans les années 50-60, on a d'autres façons d'écrire sur la nature. Jacques Kerouac, par exemple, qui a fait de grandes traversées du continent américain, il en a fait plusieurs, où il raconte les grands espaces de l'Amérique, où il part avec l'écrivain écologiste Gary Snyder sur les grimper sur les montagnes et apprendre le zen. Jacques Kerouac va écrire des haïkus à la japonaise, nous en parlions l'autre jour. Donc c'est une découverte de la nature et de la liberté dans la nature et toute cette culture des années 60, des années 50-60, en particulier les années 60. Mais donc Kerouac ne se revendiquera pas finalement. Il deviendra l'icône. Alors c'est éloge de la nature, mais on verra demain comment des écrivains vont devenir plus militants pour défendre la nature contre les dangers qui la menacent. Oui. Et les dangers qui la menacent, c'est bien sûr le progrès et les hommes. On se retrouve demain pour le dernier épisode. À demain. À demain. Tonight also, I wrote a song called On the Road. I'm just reading what I wrote all night. There are better things coming than what I wrote all night. Coming straight from the mind to the voice. With no hand intervening. Left New York, 1949. To cool across the country that a dead blame died. Culture. Un autre jour est possible, par Toufik Hakem. L'invité culturel. Bonjour Irina Brook. Bonjour. Alors vous avez imaginé toute une programmation au Théâtre National de Nice que vous dirigez, toute une programmation en relation avec la conférence Paris Climat, la COP21, une programmation avec un intitulé « Réveillons-nous !» Point d'exclamation. Oui. Alors, comment c'est parti ? Alors, c'est parti de mon propre réveil personnel, parce que je trouve que ce serait très prestancieux de dire « réveillez-vous ». Ça, j'essaie clairement de ne pas dire comme si moi je savais quelque chose, parce que je ne suis pas du tout donneur de leçons, ni experte en quoi que ce soit, donc je pourrais faire aucune conférence moi-même sur le climat et sur tous les sujets sociopolitiques du monde. Mais moi-même, ce janvier, j'ai eu un moment très fort de réveil, autour du réveillon, en fait, du 1er janvier, qui est venu de toutes sortes de choses réunies. Le fait que j'étais seule pendant une semaine à pouvoir vraiment réfléchir et lire et penser à des choses seule à la campagne. Tout a commencé, en fait, c'est une très longue histoire, je ne pense pas qu'on aura le temps, mais de l'histoire de Gilles-Éric Séralini, qui a fait toute la recherche sur les rats blancs et les OGM. Et c'était quelque chose que j'avais vu dans les journaux il y a 3-4 ans. Et ça m'avait frappé, les photos de ces pauvres rats blancs avec des énormes tumeurs. Et je me suis dit, mon Dieu, mais cette histoire de OGM, j'étais pas du tout vraiment instruite dans ces choses. Mais je me suis dit, cette chose dont on entend parler, OGM, ça va disparaître du jour au lendemain. C'est tellement choquant ce qu'on lit aujourd'hui dans le journal. Puis après, j'ai plus jamais rien entendu parler. Et il se trouve que, avec Jean-Pierre Blanc, qui est Monsieur Malongo à Nice, on parlait de cette chose et il connaît Séralini, il m'a dit « Ah oui, mais ça reprend, c'est toute une histoire ». Donc j'étais fascinée par tout ça, je lisais des choses sur les OGM. Et petit à petit, je regardais le film « Solution locale pour un désordre global » de Colin Serrault, qui m'a complètement ouvert les yeux sur tous les maux du monde que je n'avais pas encore vraiment bien saisis dans leurs détails. Et bref, l'accumulation de toutes ces informations autour de ce janvier, au fait que tout à coup, je pense que ce qui se passe avec l'environnement, c'est que tout le monde, depuis longtemps, entend et voit des images et des documents et des interviews, etc., sur l'environnement, sur la planète, et que nous sommes devenus complètement aveugles et sourds à ce qu'on voit et ce qu'on entend. Parce que tant qu'on n'a pas une entrée là-dedans, comme j'ai eu avec ce livre et ce film, c'est juste des mots. On ne le personnalise pas et on ne le comprend pas. Je parle de moi et je pense beaucoup de gens autour de moi. Il y a évidemment beaucoup de gens qui comprennent tout. Mais ce qui est important, c'est de voir comment faire pour les gens que moi qui ne comprenais pas tout. Et comment faire au théâtre ? Et comment faire par le biais du théâtre ? Parce que au début, donc, quand j'ai pensé à ça, je me suis dit, oh là là, est-ce que le théâtre est un lieu où je peux me permettre d'amener quelque chose qui est vraiment de l'ordre de la société, de ce qui se passe, et qui ne semble pas théâtral. Est-ce que je peux vraiment me permettre de faire ça dans un théâtre ? Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec le passage des mois entre juste ce janvier et maintenant, on se rend compte que c'est entièrement légitime, parce que c'est pas seulement le climat n'est pas seulement le climat, c'est pas juste l'environnement. Tout est lié, comme on entend 40 fois maintenant par jour. Il n'y a pas une personne, il n'y a pas un scientifique ou un historien, un sociologue qui ne dit pas à un moment tout est lié. Et tout est vraiment lié. Et maintenant, tout le monde commence à l'admettre. Donc, on n'est pas simplement en train de faire une sorte d'apologie pour les vers ou pour seulement la Terre. C'est tout. Je veux dire, quand on parle de l'environnement, on parle évidemment des guerres, on parle des famines, on parle des réfugiés. Et des réfugiés et les réfugiés sont des réfugiés économiques, oui. Mmh. Donc, en fait, c'est plus du tout juste un sujet pour les gens qui s'intéressent juste à ça. C'est le sujet du monde aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que peut faire un théâtre d'autre que de refléter le monde ? Pour moi, c'est une évidence absolument que le théâtre est là pour ça, a toujours été là pour ça. Dans les moments de grande crise et de grands mouvements sociaux d'un monde qui change, le théâtre a toujours été là pour être le miroir. Jusqu'au 12 décembre, donc, une programmation spéciale, une programmation qui accompagne la conférence Paris et Climat. Et ce qui est original dans cette programmation, Irina Brook, c'est que, bien sûr, il y aura du théâtre. On est bien au théâtre. Sûr, ça serait... Mais pas seulement, il y a des conférences, des films. Oui, tout ça est accroché sur du théâtre, parce que nous sommes dans un théâtre. Et par chance, il y a beaucoup de spectacles de très grande qualité théâtrale qui viennent chez nous. Donc il y a Les Glaciers Grondants de David Lescaut, il y a du danse-théâtre, bien sûr Les Choses Tournent Mal de Kubilai Khan, Investigation, Les Âmes Offensées, Philippe Gézelin, Macha Makaïev. On en a parlé ici même, ouais. Quand ça a été présenté à Marseille. Et puis un sort de happening en mouvement à travers le théâtre, rétrospective incomplète d'une disparition définitive de la compagnie Le Bruit des Nuages, où on a des sortes d'installations autour d'images futuristes de ce que deviendra notre monde. Et puis un spectacle tout public, famille La Part du Colibri, avec des textes de Pierre Rabhi par Alexandra Tobelheim. Donc ça, c'est les spectacles sur lesquels s'accroche ce festival. Après, autour des spectacles, on a beaucoup d'invités, beaucoup de personnes qui vont venir parler. Pour moi, c'est important que, comme c'est dans un théâtre, j'ai essayé d'éviter tout ce qui est table ronde, des choses comme ça, qui sont pour moi éminemment non théâtrales comme événement, même si c'est très intéressant. Donc si j'ai quelqu'un qui vient faire un colloque ou parler, je veux vraiment que cette personne vienne debout sur le plateau de la grande salle et nous parle comme un sort de monologue face publique. Je veux pas que ce soit du bavardage où les gens discutent, bavardent, parce que ça, c'est pas très théâtral. Et l'idée, Irina Brook, c'est de se poser les questions autour du climat, c'est de faire l'état des lieux, ou c'est au contraire d'être militant, de tirer la sonnette d'alarme et de dire réveillez-vous, pour reprendre l'intitulé de cette manifestation, réveillons-nous. Oui, c'est, évidemment, c'est la sonnette d'alarme. C'est pas, on peut pas prendre compte de la situation et se dire bon, c'est bien, on est informé, c'est pas très important. C'est tellement important et tellement dramatique et tellement on ne peut plus du tout l'ignorer. Donc pour moi, l'importance, c'était par rapport à ma propre ignorance. C'était vraiment, je me suis dit, pour les personnes comme moi qui ne sont pas vraiment à jour de tout ce qui se passe. C'est-à-dire, à défaut d'avoir des réponses clés en main, au moins donner l'information. Je crois que d'être informé, c'est la première chose. Je crois que c'est ce qu'il y a de plus important. Via le théâtre, de pouvoir questionner et être informé, avoir des personnes expertes qui peuvent expliquer, qui peuvent ouvrir ces questions, qui peuvent nous rendre outrés, qui nous donne envie vraiment de après pouvoir faire quelque chose, parce que ce qui semble clair dans toutes les personnes expertes qui parlent de ce qui se passe maintenant, c'est que vraiment les seules solutions peuvent venir d'actions civiques et de nous, citoyens. Vous êtes posé la question, parce que vous dirigez le Théâtre National de Nice, Irina Brook, vous êtes posé sans doute la question de savoir si ce sujet, le climat, ne va pas déstabiliser le public habituel du théâtre. Écoutez, ou pas. Je pense vraiment pas, parce que le public est étrangement très, très à l'écoute et très à l'ouvert de tout ce qui vient à Nice. Et là, on a fait déjà une grande présentation de saison qui était très, très remplie jusqu'au plafond. Et on sent qu'il y a une grande excitation. Et moi, je pense que pour le climat, l'environnement et tous ces problèmes, chacun est dans leur coin. C'est pour ça que je voulais que le théâtre puisse faire quelque chose. Donc, je rencontre le poissonnier du village où j'habite dans l'arrière-pays. On parle de ça en achetant du poisson, des problèmes écologiques. Et on se rend compte qu'il se sent tout seul parce qu'il a l'impression qu'il n'y a personne d'autre comme lui qui parle de ça. Et je me dis qu'il y a en fait des milliers, des millions de gens partout qui pensent qu'ils sont les seuls à être inquiets de choses. Donc, le théâtre comme lieu fédérateur. Exactement. Très bonne idée. Donc, ça va jusqu'au 12 décembre, cette programmation, réveillons-nous. Mais en réalité, la programmation continue, puisque en janvier, vous allez continuer sur cette thématique, Irina Brook. Mais absolument. Comme maintenant, ça semble être largement accepté et compris que les réfugiés, l'immigration, etc., est aussi très fortement lié au climat et à l'environnement, que ce n'est pas des sujets détachés les uns des autres. Ben, on continue avec des spectacles très forts sur ce sujet. Moi, j'ai une création en janvier qui s'appelle Terre Noire, d'un grand auteur, Stefano Massini, grand auteur italien, très, très fortement politicisé et un très grand auteur d'aujourd'hui. Et donc, il a écrit une commande spécialement avec l'idée de cette année en tête. Et c'est une pièce, brillamment écrite comme un thriller entre deux avocats, une sorte de sympathique avocate et un monstrueux avocat qui défend la multinationale. En Afrique du Sud, pour un fermier qui est en train de perdre ses terres à cause des pesticides, herbicides et tout ce qu'on lui a fait à son terrain pour qu'il croit qu'il aura plein d'argent et que ça ira mieux pour lui. Toute la programmation du Théâtre National de Nice et cette programmation de, qui accompagne la COP21, Réveillons-nous, est à retrouver à la page de l'émission Notre jour est possible sur franceculture.fr. On termine cet entretien, Irina Brook, par le questionnaire d'humeur. Vous choisissez trois questions et vous répondez. Merci beaucoup de vous prêter à ce jeu. Ça fait peur. Mais non. Oh, ça c'est très simple. Alors la question. Aimeriez-vous changer de ville? C'est-à-dire, est-ce que j'aimerais vivre dans une autre ville? Oui. Mais ça c'est simple et compliqué parce que j'ai l'impression de vivre nulle part et partout. Donc je n'ai pas encore trouvé ma vraie ville. Je veux dire, je suis une sorte de Parisienne parce que je suis née à Paris, mais je ne me sens pas vraiment française parce que je suis anglaise. Je suis une sorte de Londonienne parce que je suis anglaise, mais je me sens complètement étrangère à Londres. Je suis une sorte de New-Yorkaise parce que j'ai vécu à New York quand j'avais 20 ans et c'était le haut moment de ma vie. Et puis maintenant, je suis une Niçoise, ce qui est une chose étrange, mais... Et après tout ça, peut-être qu'il y a une autre ville qui vous attire. Oh, bah, sûrement, mais je sais... Je pense qu'un des grands rêves des villes que j'aimerais beaucoup, mais ça fait un peu peur, c'est San Francisco. Je crois que ça serait une ville géniale. Mais quand je pars et quand j'arrive à l'aéroport de Nice, je me dis, ah tiens, je suis chez moi. Je suis très contente d'arriver à l'aéroport. Donc il y a quand même quelque chose qui marche. Deuxième question, Irina Brook. Qu'aimeriez-vous retrouver du temps passé? Ça, c'est une question un peu lourde et tragique, surtout en ce moment pour moi. Oh là là là là, parce que je suis très dans la nostalgie en ce moment, parce que j'ai perdu ma mère cet été, mes enfants sont partis à l'école en Angleterre, donc c'est tout le passé qui est un peu parti là, donc c'est une question assez forte. Et en plus là, je me promène à Paris dans les Tuileries où j'ai des souvenirs de mes enfants petits, de ma mère. Donc, le temps passé, on aimerait tout retrouver, on aimerait que tout soit passé, présent. Les balades aux Tuileries, ouais. Les balades aux Tuileries, les enfants petits, les parents présents, je veux dire, tout. Hein. Le passé, il y a plein de choses. Et enfin, troisième et dernière question. Espérons qu'elle sera plus gaie. Que lisez-vous en ce moment? J'ai des piles, mais tellement grandes, de livres. Sur mon chevet, sur ma table, c'est des piles et des piles et des piles. Et je puise dans l'un et dans l'autre. Famine au sud et Malbouffe au nord par Marc Dufumier. Et un de mes multiples livres que je suis en train de lire, mais c'est celui auquel je suis le plus accrochée. En quelle langue ? En français. Quand on pense que dans les vieux jours, c'était une sorte des thrillers et des choses qui nous accrochent. Et là, c'est des livres sur l'agriculture et les OGM, mais je peux pas le poser. C'est vraiment, je le recommande pour tout le monde qui s'intéresse à ce sujet, parce qu'il explique d'une clarté et d'une simplicité toutes les choses qui aurait pu me mystifier avant sur tout autour de l'agriculture et la terre et les OGM et tout le reste. Vous ne lisez qu'en français, Irina Brook? Non, je préfère lire en anglais. Ouais. Mais là, c'est quasiment pareil, mais je préfère lire en anglais. Si j'ai le choix, je lis en anglais. Là, je lis en même temps le cercle de Craig Ocasien de Brecht. Je ne sais pas, j'ai des grandes piles de choses, plein de choses à lire. Mais lire juste quelque chose pour s'évader, ça fait longtemps. Hein. Et pour nous, ça a été un grand plaisir de vous recevoir, Irina Brook. Merci d'être passée ce matin. Merci.